Livre deuxième, Tombeaux. Chapitre premier, Tombeaux antiques, l'Égypte. Les derniers devoirs qu'on rend aux hommes seraient bien tristes s'ils étaient dépouillés des signes de la religion. La religion a pris naissance aux tombeaux, et les tombeaux ne peuvent se passer d'elle. Il est beau que le cri de l'espérance s'élève du fond du cercueil, et que le prêtre du Dieu vivant escorte au monument la cendre de l'homme. C'est en quelque sorte l'immortalité qui marche à la tête de la mort. Des funérailles, nous passons aux tombeaux, qui tiennent une si grande place dans l'histoire des hommes. Afin de mieux apprécier le culte dont on les honore chez les chrétiens, voyons dans quel état ils ont subsisté chez les peuples idolâtres. Il existe un pays sur la terre qui doit une partie de sa célébrité à ses tombeaux. Deux fois attirés par la beauté des ruines et des souvenirs, les Français ont tourné leurs pas vers cette contrée. Ce peuple de Saint-Louis est travaillé intérieurement d'une certaine grandeur, qui le force à se mêler, dans tous les coins du globe, aux choses grandes comme lui-même. Cependant est-il certain que ces momies soient des objets fort dignes de notre curiosité? On dirait que l'ancienne Égypte est craint que la postérité ignorât un jour ce que c'était que la mort, et qu'elle ait voulu, à travers les temps, lui faire parvenir des échantillons de cadavres. Vous ne pouvez faire un pas dans cette terre sans rencontrer un monument. Voyez-vous, un obélisque, c'est un tombeau. Les débris d'une colonne, c'est un tombeau. Une cave souterraine, c'est encore un tombeau. Et lorsque la lune, se levant derrière la grande pyramide, vient apparaître sur le sommet de ce sépulcre immense, vous croyez apercevoir le phare même de la mort, et errer véritablement sur le rivage où jadis le notonnier des enfers passait les ombres. Chapitre 2. Les Grecs et les Romains. Chez les Grecs et les Romains, les morts ordinaires reposaient à l'entrée des villes, le long des chemins publics, apparemment parce que les tombeaux sont les vrais monuments du voyageur. On ensevelissait souvent les morts fameux au bord de la mer. Ces espèces de signaux funèbres qui annonçaient de loin le rivage et l'écueil aux navigateurs étaient pour lui sans doute un sujet de réflexion bien sérieuse. Oh, que la mer devait lui paraître un élément sûr et fidèle auprès de cette terre où l'orage avait brisé tant de hautes fortunes, englouti tant d'illustres vies. Près de la cité d'Alexandre, on apercevait le petit monceau de sable élevé par la piété d'un affranchi et d'un vieux soldat, aumône du grand Pompée. Non loin des ruines de Carthage, on découvrait sur un rocher la statue armée consacrée à la mémoire de Caton. Sur les côtes de l'Italie, le mausolée de Scipion marquait le lieu où ce grand homme mourut dans l'exil. Et la tombe de Cicéron indiquait la place où le père de la patrie fut indignement massacré. Mais, tandis que la fatale Rome érigeait sur le rivage de la mer ses témoignages de son injustice, la Grèce, consolant l'humanité, au bord des mêmes flots, les plus riants souvenirs. Les disciples de Platon et de Pythagore, en voguant sur la terre d'Égypte, où ils allaient s'instruire, touchant les dieux, passaient devant l'île d'Io, à la vue du tombeau d'Homère. Il était naturel que le chantre d'Achille reposât sous la protection de Thétis. On pouvait supposer que l'ombre du poète se plaisait encore à raconter les malheurs d'Ilion aux Néréides, ou que, dans les douces nuits de l'Ionie, elle disputait aux sirènes le prix des concerts. Chapitre 3. Tombeaux modernes, la Chine et la Turquie. Les Chinois ont une coutume touchante. Ils enterrent leurs proches dans leur jardin. Il est assez doux d'entendre dans les bois la voix des ombres de ses pères et d'avoir toujours quelques souvenirs au désert. À l'autre extrémité de l'Asie, les Turcs ont à peu près le même usage. Le détroit des Dardanelles présente un spectacle bien philosophique. D'un côté s'élèvent les promontoires de l'Europe avec toutes ses ruines. De l'autre, les côtes de l'Asie, bordées de cimetières islamistes. Que de mœurs diverses ont animé ces rivages. Que de peuples y sont ensevelis, depuis les jours où la lyre d'Orphée y rassembla des sauvages, jusqu'aux jours qui ont rendu ces contrées à la barbarie. Pélage, Hélène, Grecs, Méoniens, peuple d'Ilus, de Sarpédon, d'Énée, habitants de Lida, de Tmolus, du Méandre et du Pactole, sujets de Mithridate, esclaves des Césars romains, vandales, hordes de Goths, de Huns, de Francs, d'Arabes, vous avez tous, sur ces bords, étalé le culte des tombeaux. Et en cela seul, vos mœurs ont été pareilles. La mort, se jouant à son gré des choses et des destinées humaines, a prêté le catafalque d'un empereur romain à la dépouille d'un Tartare, et dans le tombeau d'un Platon, logé les cendres d'un Mola. Chapitre 4. La Calédonie ou l'ancienne Écosse. Quatre pierres couvertes de mousse marquent sur les bruyères de la Calédonie la tombe des guerriers de Fingal. Oscar et Malvina ont passé, mais rien n'est changé dans leur solitaire patrie. Le montagnard écossais se plaît encore à redire les chants de ses ancêtres. Il est encore brave, sensible, généreux. Ses mœurs modernes sont comme le souvenir de ses mœurs antiques. Ce n'est plus, qu'on nous pardonne l'image, ce n'est plus la main du barde même qu'on entend sur la harpe. C'est ce frémissement de cordes produit par le toucher d'une ombre lorsque la nuit, dans une salle déserte, elle annonçait la mort d'un héros. Carryl accompanied his voice. The music was like the memory of joys that are past, pleasant and mournful to the soul. The gods of departed bards heard it from Slimora's side. Soft soon spread along the wood, and the silent valley of night rejoice. So when he sits in the silence of noon, in the valley of his breeze, the humming of the mountain's bee comes to our science ear. The gales drown it often its course, but the pleasant sound returns again. Carryl accompagnait sa voix. Leur musique, pleine de douceur et de tristesse, ressemblait au souvenir des joies qui ne sont plus. Les ombres des bardes décédés l'entendirent sur les flancs de Silimora. De faibles sons se prolongèrent le long des bois, et les vallées silencieuses de la nuit se réjouirent. Ainsi, pendant le silence de midi, lorsque Ossian est assis dans la vallée de ses brises, le murmure de l'abeille de la montagne parvient à son oreille. Souvent le zéphyr, dans sa course, emporte le son léger, mais bientôt il revient encore. Chapitre 5. Au Tahiti. L'homme ici-bas ressemble à l'aveugle Ossian, assis sur les tombeaux des rois de Morven. Quelque part qu'il étende sa main dans l'ombre, il touche les cendres de ses pères. Lorsque les navigateurs pénétrèrent pour la première fois dans l'océan Pacifique, ils virent se dérouler au loin des flots que caressent éternellement des brises embaumées. Bientôt, du sein de l'immensité, s'élevèrent des îles inconnues. Des bosquets de palmiers, mêlés à de grands arbres, qu'on eût pris pour de hautes fougères, couvraient les côtes et descendaient jusqu'au bord de la mer en amphithéâtre. Les cimes bleues des montagnes couronnaient majestueusement ces forêts. Ces îles, environnées d'un cercle de coraux, semblaient se balancer comme des vaisseaux à l'ancre dans un port, au milieu des eaux les plus tranquilles. L'ingénieuse antiquité aurait cru que Vénus avait noué sa ceinture autour de ces nouvelles cythères, pour les défendre des orages. Sous ces ombrages ignorés, la nature avait placé un peuple, beau comme le ciel qu'il avait vu naître. Les Otaïciens portaient pour vêtements une draperie d'écorce de figuier. Ils habitaient sous des toits de feuilles de mûrier, soutenus par des piliers de bois odorants. Ils faisaient voler sur les ondes de doubles canots aux voiles de joncs, aux banderoles de fleurs et de plumes. Il y avait des danses et des sociétés consacrées au plaisir. Les chansons et les drames de l'amour n'étaient point inconnus sur ces bords. Tous y ressentaient de la mollesse de la vie, et un jour plein de calme, une nuit dont rien ne troublait le silence. Se coucher près des ruisseaux, disputer de paresse avec leurs ondes, marcher avec des chapeaux et des manteaux de feuillage, c'était toute l'existence des tranquilles sauvages de Tahiti. Les soins qui, chez les autres hommes, occupent leur pénible journée, étaient ignorés de ces insulaires. En errant à travers les bois, ils trouvaient le lait et le pain suspendus aux branches des arbres. Tel apparut au Tahiti à Wallis, à Cook et à Bougainville. Mais en approchant de ces rivages, ils distinguèrent quelques monuments des arts qui se mariaient à ceux de la nature. C'étaient les poteaux des Morai. Vanité des plaisirs des hommes, le premier pavillon qu'on découvre sur ces rives enchantées est celui de la mort, qui flotte au-dessus de toutes les félicités humaines. Donc, ne pensons pas que ces lieux, où l'on ne trouve au premier coup d'œil qu'une vie insensée, soient étrangers à ces sentiments graves, nécessaires à tous les hommes. Les Otaïciens, comme les autres peuples, ont des rites religieux et des cérémonies funèbres. Ils ont surtout attaché une grande pensée de mystère à la mort. Lorsqu'on porte un esclave au Morai, tout le monde fuit sur son passage. Le maître de la pompe murmure alors quelques mots à l'oreille du décédé. Arrivé au lieu du repos, on ne descend point le corps dans la terre, mais on le suspend dans un berceau qu'on recouvre d'un canot renversé, symbole du naufrage de la vie. Quelquefois, une femme vient gémir auprès du Morai. Elle s'assied, les pieds dans la mer, la tête baissée et ses cheveux retombant sur son visage. Les vagues accompagnent le chant de sa douleur, et sa voix monte vers le Tout-Puissant avec la voix du tombeau et celle de l'océan Pacifique.